Ok, tu sais ça, illégal G, OP, bra, toujours là, Genève, Orala, 2008, fin d'année, une balafre de plus est déposée, yeah, écoute ça. J'ai le blues, un sacré coup de blues, de plus fouler la pelouse avec la même conviction, accompagné de mes ouzes, Dieu me perdit. Je partis en perdition. L'addition de mes amis m'apporte la clé, nombreuses portes. Aujourd'hui on s'exporte, photo invitation par enveloppe. Ça se la pète, et plus y'a des capots que je vise. Le capot s'occupe des misères, moi du fric. Je connais nos dick. Tous des rois uniques, inédits, illégal gire. On prend des crans sur moi, LG. Le cran là tous, que des ouf, plus assez d'air. On étouffe, on était sages. Avant l'arrivée de la snouf. Aujourd'hui on est des sauvages, Genève est devenue ma jungle. Je joue plus avec des liens, mais des flingues. Les gosses se kidnappent. Les boss passent à la trappe. On s'efforce de garder le cap, tu captes que des gars. Pour l'apocalypse, que des fuck envers cette justice. Mes pensées perturbent, la criminalité perdue. Ma France en accéléré vers le futur. Perdu dans mon passé, je suis pour trépasser. Je suis par ceux qui ont lâché, par ceux qui nous ont lâchés. Je vise plus la place du capot, mais celle du parrain. Tenir sans cesse les rênes, serrer en main. Éviter de se faire serrer chaque lendemain. Dieu fait, alors je m'y fais. J'ai souvent eu tort et appris ce qui brille le plus. N'est pas ce qui a la plus grande valeur. Tellement d'années dans l'erreur pour que chaque fil d'une balafre est posée sur mon cœur. Il saigne à l'intérieur. Les gens me craignent à l'extérieur. Sans même me connaître, allez va te faire mettre. M'appelle plus l'élève. Car c'est moi le maître à contester, souvent discuter. Mais pas un seul faux rendez-vous pour me buter. Les barges se baladent à mes côtés. Sinon, ils sont sûrs de se faire dépouiller. Ok, revenons à l'essentiel. Mon quartier numéro 1 de cette merde. Ma tête, elle est de plus recherchée. Ça me stresse pas, au contraire. Ça me fait bander. Tous les poufs, on commence la chasse. Car voilà, ça fait un bail, c'est sur la place. Mes pensées perturbent, la criminalité perdue. Ma pensée en accéléré vers le futur. Perdu dans mon passé, conçu pour trépasser. Conçu par ceux qui ont lâché, par ceux qui nous ont lâchés. Ouais.